Règle 19e. C'est par cette méthode qu'il faut chercher autant de grandeurs exprimées de deux manières différentes, que nous supposons connues, de termes inconnus, pour parcourir directement la difficulté, car par ce moyen, nous aurons autant de comparaisons entre deux choses égales. Règle 20e. Après avoir trouvé les équations, il faut achever les opérations que nous avons omises, sans jamais employer la multiplication, toutes les fois qu'il y aura lieu à division. Règle 21e. S'il y a plusieurs équations de cette espèce, il faudra les réduire toutes à une seule, savoir à celle dont les termes occuperont le plus petit nombre de degrés dans la série des grandeurs, en proportion continue, selon laquelle ces termes eux-mêmes doivent être disposés.